comme la quille d'un bateau. C'est comme la quille d'un bateau. Quand tu l'as pas, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit. Ouais, ça se voit. D'un bateau. C'est comme la quille d'un bateau. C'est comme la quille d'un bateau. Tu l'as pas, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit. D'un bateau, ouais, ça se voit. Que t'as perdu ta dignité, que t'as perdu ton humanité. Comment ça te fait pas plaisir de croiser êtres humains? Comment ça te fait pas plaisir de croiser d'autres êtres humains? C'est comme la quille d'un bateau, c'est comme la quille d'un bateau, c'est comme la quille d'un bateau. Et que t'es debout sur les flots, et que t'es debout sur les flots. Avec la vague sous les pieds, avec la vague sous les pieds. Qui te soulève, qui te soulève, qui te soulève. Et que tu te mets à chanter, que tu te mets à chanter. Comment ça te fait pas plaisir de croiser d'autres êtres humains, de croiser d'autres êtres humains. Comme la quille d'un bateau, c'est comme la quille d'un bateau. Quand tu l'as pas, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit, ouais, ça se voit. D'un bateau.